Chapitre 25e. La chambre triangulaire. Antonin alors poussa une petite porte et entra dans la maison dans laquelle se trouvait l'établissement des enfants de l'Aveyron. Il monta un escalier en colimaçon, gagna le premier étage et attendit dans une petite chambre, éclairée seulement par une lampe à pétrole qu'il trouva allumée. Il n'était là que depuis 3 minutes à peine, quand l'escalier craqua sous les pieds d'un homme pesant. Peu après parut le père Clafou. Clafou ferma derrière lui la porte de la petite chambre. « Attendez, chef, que j'attache le signal. » Il alla piquer dans la paroi un fil électrique qui reliait les marches du petit escalier à une sonnerie qu'on voyait au mur de la pièce. Personne ne pouvait mettre le pied sur l'escalier sans que sa présence fût signalée. Cette chambre faisait partie de l'appartement de Clafou. Elle offrait ceci de particulier que, située dans un angle, elle avait 2 murs pleins et une seule ouverture dans le 3e mur, cette porte par laquelle on venait d'entrer et qui, en temps ordinaire condamné, n'était connue de personne. Les murs étant de ceux dans lesquels on ne peut marcher et de ceux qui n'ont pas d'oreilles, permettaient dans ce singulier triangle de chambre des entretiens graves, offrant le caractère de celui qu'allaient avoir ces 2 hommes. Antonin redevenait ici Paulin Broquet, après avoir laissé en bas le fidèle Gabriel qui, dans le rôle de Gustave, filait le baron Dupont en père de famille aveyronnais. L'homme qui l'attendait devant la petite porte était l'amorce. Clafou était réellement Clafou, mais il faisait partie de la compagnie de la brigade de Broquet. C'était un de ses plus précieux agents. L'établissement des enfants de l'Aveyron était, nous le savons, le rendez-vous de tous les gens après qui Paulin Broquet courait. Clafou, entrant dans la confiance de ses clients, les secondant parfois, en apparence du moins, les protégeant, les gardant pour mieux les faire prendre, surprenait tous leurs secrets, et sans le demander, était toujours mis au courant des coups à faire ou accomplis. Mais si grande était l'habileté de Clafou, que jamais non seulement on n'avait pu le prendre en défaut de trahison, mais seulement soupçonner qu'il pouvait faire partie du service policier. Paulin Broquet avait annoncé à son agent sa visite pour ce dimanche. Dans la foule, il courait moins de risques et pouvait plus facilement opérer. « Voyons, fit le détective à Clafou, tu as pris l'assassinat du banquier Montreuil ?»« Oui, chef. Je sais l'histoire du coffre-fort marqué d'un Z. » Clafou trouvait bon de se débarrasser de son accent aveyronnais. « Bon, dit Paulin Broquet, tu sais aussi que le coffre-fort du notaire Béjanet a été pillé et marqué d'un Z. C'est cela. Je sais également qu'en province, en Normandie, on a fait un beau coup. Donc il existe une bande puissante, bien organisée. Oui, chef. Cette bande a pour signe le Z. » Et quand elle a fait un coup, elle trace un Z pour signaler à tous les affiliés qu'une affaire a été réussie et qu'il y aura un partage d'argent. Bon, je m'en doutais. J'ai vu aussi tout à l'heure que, comme toutes les bandes sérieuses, celle des Z avait élu domicile chez toi. Elle se donne seulement rendez-vous chez moi. J'ai remarqué qu'ils traçaient, pour se reconnaître, des Z de différentes façons, et qu'en parlant, ils accentuaient les Z, en mettaient intentionnellement partout. C'est cela, oui, chef. « Je vous ai vu tout à l'heure en bas, répondre au signe des clients qui se trouvaient à côté de vous. Ça les a tranquillisés. »« Bien, » dit Paulin Broquet. Il demanda ensuite, « Qu'est-ce que c'est que cet Arsène qui est avec sa famille dans la salle de bal ?»« Arsène, un ancien ouvrier qui prend à son compte quelques entreprises de bâtisse. Il a fait une petite fortune. Un brave homme, en apparence. Douteux, je le crois. » »« Il fait partie de la bande des aides ?» Clafou étendit ses larges mains. « Ça, chef, malgré tout mon bon vouloir, je ne puis vous le dire. Arsène vient ici avec sa famille, jamais il ne répond aux signes des aides, mais ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que les chefs des aides demeurent inconnus. On ne les voit jamais, on ne sait pas qui c'est. Ah ! Ils donnent leurs ordres, on les exécute, c'est tout. » Clafou entra dans quelques explications sur cette société des aides. Elle était de formation récente et paraissait avoir une organisation des plus puissantes. Les membres se recrutaient dans tous les mondes ou plutôt prenaient des titres, des rangs, qui leur permettaient de pénétrer partout, même dans les milieux les plus élevés, les plus difficiles, les plus fermés. Les aides se divisaient par classe, par grade, selon les qualités, les aptitudes, les actes accomplis. Mais sauf les aides des derniers grades qui pouvaient se connaître, qui avaient même besoin de se connaître pour accomplir la tâche imposée, laquelle consistait en pillage, en cambriolage ordinaire, les aides demeuraient inconnues, pouvant se rencontrer dans la vie courante sans savoir qu'ils faisaient partie de la même association, de la même bande. De sorte qu'on eût emprisonné un ou plusieurs aides, qu'on eût d'eux obtenu des révélations, cela n'aurait eu aucune importance. Ces aides pouvaient dire que l'association existait sans porter préjudice à l'association elle-même, sans pouvoir en arrêter le fonctionnement. « Oui, » dit Paulin Broquet, « c'est très habile. » Mais il ajouta, « Cependant, je sais que le chef est Zigomard. »« Zigomard ?» s'écria Clafou. « Oui, c'est ainsi qu'ils nomment leur chef. »« Mais qui est ce Zigomard ?» Clafou secoua la tête. « Chef, pas moyen de vous renseigner. » On sait que Zigomard existe, on lui obéit aveuglément, mais personne ne l'a vu, personne ne sait qui c'est. Zigomard est caché dans le plus profond mystère. Tu n'as, toi, rien pu savoir ? Non, chef. J'ai rendu, vous le savez, service aux aides pour entrer dans leur confidence. Ils m'ont tous répondu, Zigomard, c'est Zigomard. Et l'Américain, connais-tu l'Américain ? L'Américain, Thom Twick. Non, chef, ils n'en ont pas encore parlé. Paulin Broquet garda le silence. Il réfléchit un moment, puis dit à Clafou, « Ce soir, il y a réunion des aides ?»« Oui, chef. »« Où se tiendra cette réunion ? Chez toi ?»« Non, chef. À la Barbotière. »« La Barbotière, impasse Guelma, près de la place Pigalle ?»« C'est cela. La Barbotière est un bar borgne qui est fréquenté par les pires souteneurs et les plus notables apaches du quartier, de là son nom. »« Je connais. » »« Mais ce n'est pas dans la Barbotière même qu'a lieu la réunion. » C'est dans une des masures qui y touche. Il y a là, tout contre la Barbotière, un atelier de mouleurs en plâtre. « Bon, » fit Paulin Broquet, « je vois. » On entre par l'atelier, et quand on a dit le mot de passe, on lève une trappe dans le fond de l'atelier et on descend dans la cave. C'est là que les aides se réunissent. « J'irai voir ça ce soir. » Clafou, effrayé, sursauta. « Non, chef, non, vous ne ferez pas ça. » Paulin Broquet le regarda avec étonnement. « Comment dis-tu ? » « Pardon, chef. » dit alors Clafou avec émotion. « Pardon, mais je disais que vous ne devez pas faire cela, que vous ne devez pas aller à la Barbotière. »« Tu as peur que je me compromette dans cette noble compagnie ?»« Ah, chef, ne riez pas, c'est trop grave. C'est votre vie que vous voulez inutilement risquer. »« Cela m'arrive tous les jours. Pourquoi la Barbotière sera-t-elle plus dangereuse pour moi qu'un autre repère de bandits ?» Clafou répondit. « Ah, chef, permettez. Ce n'est pas seulement... au nom de vos lieutenants, de vos seconds, de vos aides, que je vous parle. Mais au nom de tous ceux qui vous aiment, vous admirent, qui ont pour vous le plus sincère attachement. Mon ami, fit Paulin Broquet en lui serrant la main. Eh bien, chef, je vous dis qu'il est non seulement imprudent, mais inutile d'aller vous jeter dans ce guépier qu'est la Barbotière. Voyons, chef, vous connaissez maintenant le principal concernant cette association des aides. Vous savez qu'elle se réunit d'abord chez moi, et qu'il tient ses assises secrètes à la Barbotière. Mais, chef, cela doit vous suffire pour la filer, la prendre quand vous le jugerez bon. Pourquoi allez-vous exposer vous-même ? Paulin Broquet répondit, « Ce ne sont pas seulement quelques arrestations que je veux faire. Tu viens de me dire, mon cher Clafou, que l'organisation des aides était telle qu'en arrêtant les affiliés, nous ne détruirions pas la bande. En effet. Donc, c'est à la tête que je dois frapper. C'est le chef que je veux connaître. « C'est Zigomard que je dois voir. C'est lui qu'il faut que je prenne. » Clafou répondit, « Chef, nous connaissons votre merveilleux courage. Donc ici, je peux vous parler du péril à redouter, du danger à éviter, sans crainte de vous froisser. Je t'écoute, mon bon Clafou. » La Barbotière comprend un sous-sol où se tiennent les assemblées des aides. Bon, ensuite, mais ce sous-sol sert non seulement de parlement aux aides, mais encore de tribunal et aussi de lieu d'exécution. « C'est très pratique, » fit en souriant le détective. « Je serai content de voir cette installation. » Clafou supplia encore le chef de ne pas aller ainsi inutilement risquer sa vie. Ce fut en vain. Paulin Broquet avait décidé d'assister à cette réunion des aides. Rien au monde ne pouvait le détourner de ce dessein. « Au moins, chef, » dit Clafou, « laissez-vous accompagner par un de vos hommes, Gabriel, Lamorce. »« Non, mon ami, » répondit le détective. Je crois qu'il vaut mieux, pour réussir cette opération, que je sois seul. À deux, nous ne pourrions certainement pas conserver l'incognito indispensable. Mais, chef, cependant, je vous en prie. » Sur un ton qui ne permettait aucune objection, aucune réplique, Broquet ajouta, « C'est assez comme cela. La lutte est engagée entre Zigomard et Paulin Broquet, entre le crime et la justice. La justice, dont je suis le serviteur, le soldat, doit emporter la victoire. Par tous les moyens, au prix même de sa vie. » Paulin Broquet doit prendre Zigomard. Clafou n'avait qu'à s'incliner. Paulin Broquet lui demanda alors, Le mot de passe pour pénétrer dans cette terrible barbotière, c'est bien celui que nous connaissons, Zalavi. Zalamor, oui, chef. Parfait. On ajoute en dernier Zigomar. En faisant avec la main le signe Z, c'est ça. Merci.